J'aimerais tellement qu'il change, qu'il retrouve la chaleur des gestes d'autrefois, et qu'enfin il se demande où notre vie s'en va. Est-il devenu de glace? S'est-il retiré de moi pour mieux se protéger contre la passion qui passe? J'ai peur de le voir s'en aller, prise entre deux rives assises au milieu de nulle part. Je suis une île abandonnée. Je n'ai plus de raison, j'ai pas de nom, je n'ai plus d'âge. Et dans les eaux troubles du passé, je me laisse couler. La solitude n'a pas de sens, elle est plus lourde que l'absence. J'aimerais tellement qu'il change, qu'il risque son cœur et le plus précieux de son temps, et qu'à nouveau il s'enflamme comme il le faisait avant. Prise entre deux rives assises au milieu de nulle part, qu'il retrouve la chaleur des gestes d'autrefois, et qu'enfin il se demande.